Nous allons dire cette prière que Jésus nous a appris à faire avant de commencer ce soir, tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je pensais que vous pouvez acclamer beaucoup plus fort que ça pour la gloire du Seigneur. Soyez les bienvenus en ce moment où nous allons s'enjoler l'Éternel très fort. Soyez les bienvenus en ce moment où il n'y aura que Christ, Christ, lui seul, le centre de tout ce que nous allons faire. Lui seul, le centre du début jusqu'à la fin. Nous allons l'acclamer très fort. Baby. Olena yo, etamboli sabiso.